cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonne fin d'après-midi à tous et à toutes et bienvenue à cette édition de la semaine du 4 octobre 2010. C'est Puissance Maximale. Mon nom est Vincent Langlois et bien sûr, une émission extrêmement remplie aujourd'hui à Puissance Maximale. Comme à l'habitude, nous avons la visite d'avoir avec nous le docteur Raymond Poirier. Bonne fin d'après-midi. Bonne fin d'après-midi. Alors, docteur Poirier, cet après-midi, de quoi allez-vous nous parler dans quelques instants? On va parler des hommes les plus forts du web, de ces icônes de la virilité. Ah, des noms qu'on connaît sûrement, dont on a entendu parler dans différents films, des choses comme ça. Exactement, on va parler on va se garder des petits punchs, tiens, pour la chronique. Excellent, on se garde des petits punchs. Un petit peu plus tard dans l'émission, nous aurons la chance d'avoir avec nous les gens de Top. En fin de compte, c'est une agence de super athlètes. Il y a Mathieu Morin qui vient nous présenter deux joueurs. Et on aura également les gens de Cap et Kimono qui viendront faire un tour pour nous parler de l'événement qui se tiendra la fin de semaine prochaine. Alors, Puissance Maximale, vous le savez, c'est une émission de radio ici sur les ondes de CKIA, présentement diffusée en direct de Québec, mais vous pouvez également la reprendre sur notre site internet qui est le www.puissancemaximale.com, une émission que vous pouvez télécharger sur notre site, sur lequel vous avez également quelques nouvelles et, en fin de compte, des chroniques parfois de nos différents chroniqueurs qui sont publiées sur le site. Également, vous pouvez nous prendre par tout le réseau des radios communautaires au Canada, dont Radio Anticosti, Radio Taïga, mais plusieurs autres radios communautaires francophones. Et également sur Abandonware France, nos cousins français nous écoutent à toutes les semaines. Alors, l'émission de Puissance Maximale d'aujourd'hui, vous avez les sujets et nous allons passer en musique dans quelques instants. On vous présente une chanson de Blind Observer. Ça s'appelle Distant Friend. Vous écoutez ça sur CKIA Puissance Maximale. Took me back to the Docteur Raymond Poirier. Toujours sur les ondes de CKIS et Puissance Maximale, nous avons en ondes, avec nous en studio, le docteur Raymond Poirier qui va nous parler d'un phénomène d'homme fort du web aujourd'hui. Exactement, on s'en va explorer là, les tréfonds de la virilité, les avatars peut-être de la masculinité sur le web, les hommes forts, dans le fond, qu'on y retrouve. Parce qu'il faut dire qu'il y a toujours cette quête d'image, cette quête de modèle peut-être, d'inspiration, d'icône, de Dieu fait homme, qui mène nécessairement l'existence. Et on pense par exemple dans les livres, dans les dessins animés, ben il y a Superman qui remplit quand même, qui fait très bien son travail. Tout à fait, oui. Il y en a quelques-uns au cinéma également. On pense à des gens comme Van Damme, comme Schwarzenegger, comme Stallone, qui sont un peu des icônes masculins. Steven Seagal également. Il y a personne qui casse mieux des bras que Steven Seagal. C'est un modèle pour nous tous. Il le fait sans effort, en plus. Exactement. Mais qu'en est-il du web? Puisque le cyberespace prend de plus en plus de place, chaque pays cherche un peu ses modèles, cherche ses inspirations, et il y a 5 zones géographiques qui ont réussi à se trouver une égérie toute masculine. Alors, bon. J'ai essayé de synthétiser parce que c'est intéressant, justement, on voit vraiment d'une zone à l'autre l'émergence de figures qui représentent certaines visions qu'on a de la masculinité et de la virilité. Il y en a certaines qui réussissent à franchir les frontières de leur zone géographique de départ pour s'internationaliser vraiment. Il y en a d'autres qui toujours vont rester des icônes locales, mais ô combien viriles. Donc, icônes locales, il y a peut-être des noms dans lesquels vous allez nous parler aujourd'hui, qui sont connus et peut-être même des noms qui sont complètement inconnus. Exactement, puisqu'on va quand même aller faire un tour en Allemagne, au Kenya, en Chine. Mais on commence par peut-être celui qui est le plus communément associé à la masculinité et à la virilité, à la puissance toute masculine sur le web. Il s'agit bien entendu de Chuck Norris, quand même présent dans l'imaginaire populaire depuis 2005, voire même 2004. Chuck Norris qui a fait un grand retour avec les fameuses blagues, ou en fin de compte les fameuses citations de Chuck Norris. Exactement, les faits. En fait, c'est pas des citations, c'est des faits. C'est scientifiquement démontré. On en mentionne quelques-unes simplement pour vous les replacer en mémoire. Là. Exemple, les larmes de Chuck Norris guérissent le cancer. C'est trop triste qu'il n'ait jamais pleuré. Ou encore, Chuck Norris ne va pas chasser puisque la chasse implique un élément de chance. Chuck Norris va tuer, tout simplement. Ou sinon, il n'y a pas de théorie de l'évolution, simplement une liste d'espèces que Chuck Norris a permis de vivre. Alors vraiment des faits qui permettent de mettre en évidence dans le fond la virilité de Monsieur Norris, et ça avait été introduit. En fait, c'est une suite de conséquences en fait qui a amené à l'émergence de ces informations là, puisque d'abord en 2004 à la télévision il y avait l'émission de Conan O'Brien qui utilisait un running gag qui était en fait le Walker Texas Ranger Lever. Alors lorsqu'il appuyait sur un levier, il y avait des images de l'émission Walker Texas Ranger qui est en soi une célébration de la virilité de Chuck Norris qui combat à main nue des ours, qui réussit à s'amasser une pléiade de jeunes filles en chaleur. Bref, plein de belles possibilités comme ça. Et donc, c'était un peu ridicule, bien entendu. Ça a amené un certain imaginaire populaire. On n'avait pas encore réalisé la magie peut-être de Chuck Norris. Et parallèlement, en 2005, il y a une vedette qui s'appelle Vin Diesel qui décide de jouer dans un film qui s'appelle The Pacifier, celui donc où il essaie d'imiter Arnold Schwarzenegger et d'aller avec des enfants pour que ce soit drôle. Et ça avait amené un individu visionnaire, Ian Spector, à créer un forum appelé Post Your Vin Diesel Facts. Donc, avec la sortie du film de Pacifier, ces faits-là avaient connu une certaine popularité. Premier jour, en fait, de mise en marche, il y a eu 20 000 clics, ce qui est quand même pas rien. Mais éventuellement, après l'été 2005, disons que rire de Vin Diesel était moins actuel, était moins pertinent. Alors, on s'est dit, non, faut changer ces faits-là, les générateurs de faits, pour les rendre peut-être d'autant plus pertinents. Et donc, on a demandé de voter pour 12 candidats pour récupérer un peu ce générateur de faits-là. Et le gagnant a été Chuck Norris, qui n'était même pas d'ailleurs sur la liste. Donc, comme quoi, on s'est rendu compte que c'était la personne peut-être toute désignée pour intégrer justement cette vision-là. Et depuis, ces informations-là ont fait le tour du monde, le tour de la planète, de médias très sérieux à d'autres un peu moins. Ils se sont retrouvés sur la scène politique américaine lorsque Chuck Norris a endossé un candidat à l'élection élection de 2008, en fait, donc c'est tout récent, Mike Huckabee, où justement M. Huckabee récitait des sites et des faits autour de Chuck Norris. Alors, rapidement, il a maintenu son envol, il a pris son envol, il l'a maintenu pour devenir l'icône qu'on connaît aujourd'hui en fin de carrière, qui a littéralement été ressuscité. Et si vous allez dans une librairie qui s'intéresse à la réalité du web, vous allez trouver un site sur les meilleurs un livre. Sur les meilleures citations de Chuck Norris. Exactement. Un peu comme le top 10 de David Letterman qui est publié. Et là, c'est les 400 année. Meilleurs, je crois. Incroyable, vraiment. Alors, autre... Ça, c'est le surhomme principal. En fait, quand on pense web, on pense surhomme, on pense Chuck Norris, mais il y en a d'autres. Et justement, comme je le disais tout à l'heure, il faut gratter un peu plus loin parce que chaque nation, chaque peuple a besoin justement de voir ses reflets virils, de se voir peut-être un miroir de muscles. C'est le cas pour différentes régions, notamment l'Afrique du Sud. On s'en va en 2008, en fait, un événement qui s'appelait le Rave H2O qui avait lieu à Boksburg en Afrique du Sud. Et lors de l'événement, il y avait un caméraman qui se promenait, qui faisait des photos et qui a été attiré par une montagne de muscles costumés dans un uniforme un peu d'écolière, assez particulier en fait. Mais l'homme transcendait littéralement l'aspect féminin de ce costume par son immense virilité. En fait, il suait littéralement le machisme. Et donc l'homme, le photographe, l'a pris en photo, a mis sa photo sur le web, sur Facebook. Et rapidement, il y a des gens qui ont découvert cette image iconique et qui ont décidé de la diffuser, de la recréer, de la réinventer. Et de là est né le mythe de Vernon Koekkoek-Moher. En fait, koeke moher, ça veut dire koeke, c'est gâteau. Moher, c'est frapper, se ramasser, prendre. Gâteau, dans le slang sud-africain, c'est une partie génitale féminine. Je vous laisse imaginer laquelle. Je vous laisse faire le lien côté terme. Mais disons que c'est une référence à faire l'amour, mais de manière un peu plus bestiale et ou spontanée. Alors, rapidement, disons que ça a été étendu à l'ensemble de l'Afrique du Sud, mais par contre, c'est une icône qui n'a jamais dépassé les frontières de cette région-là. Par contre, Chuck Norris est venu un peu l'endosser en cours de route. Ils ont fait une campagne ensemble, donc Vernon Koekkoek-Moher et Chuck Norris, pour des organismes de charité, où donc ils ont partagé la scène et ont dansé ensemble. Alors, imaginez la testostérone qu'il devait y avoir. Wow. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que la notion de virilité a aussi amené à l'émergence du premier phénomène Internet kenyan. Parce qu'on voit tranquillement, bon, il y a la barrière linguistique qui nous empêche des fois souvent d'avoir accès au phénomène web de la Chine. Ça se transfère pas bien côté culture. Oui. Il y a d'autres pays comme ça, d'autres zones géographiques où il y a pas facilité à briser cette barrière-là. Mais dans le cas du Kenya, on a éventuellement réussi avec Mac Mende. Et ça, c'est tout récent. En fait, c'est un phénomène qui remonte un peu plus tôt cette année. Bon, Mac Mende, d'abord, le nom, d'où ça vient, c'est une réplique de Dirty Harry, non, de Sudden Impact, pardon, avec Clint Eastwood. À un moment donné, Clint Eastwood disait, il jouait Dirty Harry, et il avait le fusil, il disait « Vas-y, go ahead, make my day! » Donc, Mac Mende au Kenya. Donc, on synthétise un peu tout ça. Et il y a un groupe en 2010 qui s'appelle Just a Band, un groupe kenyan, qui a fait un vidéoclip pour leur pièce qui s'appelle Hahe, où un héros qui s'appelle Mac Mende réussit à détruire tous les criminels de la ville. Donc, un vidéo très Blaxploitation, esprit années 70, avec le budget d'un vidéoclip kenyan. Donc, ça donne un peu l'image, assez particulier. Et ça a beaucoup inspiré les gens de cette région du monde. On trouvait que encore là, il y avait un exemple de machisme exacerbé. On a décidé de l'embrasser on l'a même mis sur des magazines comme Time au Kenya, GQ Magazine qui le déclarait Badass of the Year. Donc comme quoi ça a été embrassé, donc l'icône par l'ensemble des classes populaires, ce qui est quand même pas rien. Et ça arrive de temps à autre comme ça, où justement ces phénomènes très masculins-là, c'est arrivé dans Chuck Norris, c'est arrivé avec Vernon Koekkoek-Moher, c'est arrivé avec Mac Mende, avec les deux autres exemples aussi, Techno Viking et Brother Sharp. Ils sont littéralement ressortis de la sphère web, comme si dans le fond, il y avait peut-être une facilité à diffuser ces images-là, comme si l'imaginaire masculin, viril, iconique, dieu grec, etc., passait quand même assez bien dans l'imaginaire collectif, pour une raison ou pour une autre, que je vous laisse imaginer également. Techno-Viking, c'est Techno-Viking, ça? Techno-Viking, ça, c'est en Allemagne. Et là, on remonte un peu plus loin. C'est autour de 2006, en fait. C'est un type, et d'ailleurs, il y a beaucoup de mystères autour de cet homme-là, parce qu'on sait toujours pas, après 4 ans, qui il est, qu'est-ce qu'il est devenu après cette manifestation de testostérone. En fait, c'est un clip assez populaire. Vous pouvez aller le voir, chercher Techno-Viking dans YouTube, vous allez tomber dessus. Donc, essentiellement, une jeune fille avec une perruque bleue qui se fait bousculer par quelqu'un. Et là, il y a le Techno-Viking qui arrive, une montagne de muscles avec des cheveux vraiment qui nous rappellent les Scandinaves typiques de tout notre imaginaire d'enfance, qui arrive, qui tasse l'homme qui a bousculé la jeune fille, qui regarde autour de lui, qui se met à danser sur un rythme techno. C'est une vidéo qui a été tournée dans le cadre du Fuck Parade 2000. Ça donne le ton. Ça a été extrêmement populaire. Je veux dire, 11 millions de visionnements. Du début de l'année, là, au dernier compte. Et ensuite, il y a beaucoup de sous-vidéos. Et lui aussi est sorti dans l'imaginaire populaire. Il a été inclus dans une exposition, style art visuel, des gens, des jeunes Allemands qui reprenaient la danse de leur icône. Et qui lui rendait hommage, tout en étant déçu peut-être qu'il soit toujours resté anonyme. Et le dernier de la liste, Dr. Poirier? Oui, Brother Sharp, en fait. Et là, dans le cas de Techno-Viking, le mystère avait pas pu être résolu. Qui était-il? Dans le cas de Brother Sharp, c'est littéralement une ville entière qui s'était donné la mission d'essayer de le retrouver tellement ils avaient été séduits par le look mâle, viril de cette personne-là. Ici, on parle peut-être plus d'une virilité à la River Phoenix, donc je m'en foutiste. C'était un homme avec plusieurs manteaux, une cigarette au bec qui regardait intensément l'existence. Et on s'est rendu compte assez rapidement que c'était un sans-abri dans une ville dans la province de Zhejiang. Et les gens ont voulu lui venir en aide parce qu'ils trouvaient qu'il avait l'air tellement viril. Alors, ils se sont mis à faire une recherche. Finalement, on réussit à le retrouver. Ça a fait les nouvelles dans cette région de la Chine de manière assez régulière. Ils ont trouvé éventuellement un interprète parce que l'homme avait des troubles mentaux. Finalement, ils ont réussi carrément l'aider. Donc, cette image virile lui a amené à trouver un support dont il avait besoin. Un budget également. Les gens sont cotisés littéralement pour lui donner accès à des soins de santé. Et aujourd'hui, il est peut-être un peu moins viril d'apparence, mais il est un peu plus sain d'esprit. Alors, je trouve que c'est quand même gagnant. Donc, on vient de passer 5 archétypes de la virilité, vraiment, de Chuck Norris, l'homme fort, à ce dernier qui était un hobo, là, c'est le mauvais français, mais un clochard, tout simplement. Et je trouve ça intéressant, en fait, c'est de voir justement que la quête incessante d'une certaine perfection idéalisée, eh ben, elle transcende justement notre réalité quotidienne et va vraiment s'exprimer à travers le web. Et c'est quand même assez particulier qu'il y ait des nations entières comme ça qui, à travers une image, décident de se l'approprier, de la diffuser, parce qu'il y a énormément d'images, énormément de vidéos sur le web. Alors, c'est assez fascinant que ces 5-là aient été ciblés. Allez voir les clips et demandez-vous, ben, pourquoi eux? Pourquoi sont-ils devenus l'icône parmi cette mer de possibilités-là? Si vous avez d'ailleurs des réflexions et des idées à ce titre-là, n'hésitez pas à envoyer un courriel via le site de Puissance Maximale, parce que je me posais honnêtement la question en les voyant. Ils n'ont rien de particulier au-delà de leur masculinité sous-entendue. Bon, oui, il y a Chuck Norris, mais bon, les autres, on peut se le poser, on peut se le demander. Là. Bien, merci beaucoup d'être passé à l'émission. Ça me fait plaisir. Et on va aller tout de suite en musique avec Gary Jules, Mad World, qui faisait partie, en fin de compte, de la trame sonore du jeu Gears of War, et c'est à Puissance Maximale que vous l'écoutez. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow, no tomorrow. No tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. Child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very bad. De retour à CKIA à puissance maximale, nous avons la chance d'avoir avec nous deux cyberathlètes de l'équipe Dream Vision, qui est une équipe qui est supervisée par l'agence cyberathlète Top, par Mathieu Morin. Alors, je vous les présente tout de suite. Nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Cédric Pro Dégagné et Maxime Tarrant ou Tarrant Bolduc, c'est bien ça? Oui, c'est Tarrant. Oui. Tout est correct comme ça? Oui, ça va bien. Oui, super. Merci les gars d'être ici aujourd'hui. Ça fait plaisir. Juste vous en parler, vous avez commencé ensemble sur l'équipe ou il y a quelqu'un qui a commencé avant l'autre? C'est Pro qui a commencé l'équipe. Pro était le premier. Oui, j'ai créé l'équipe dans le mois d'août avec des joueurs qui sont pas dans l'équipe en ce moment. D'accord. L'équipe se compose de principalement moi, Torrent, Alex et moi, et Elec. Ça a été fait au mois d'août, comme je dis, puis on est en progression en ce moment avec un gros commanditaire qui est le Dream City. Dream City, ici à Québec. Oui, exactement. Et les gars, vous jouez à StarCraft 2, c'est ça? Vous êtes une équipe de StarCraft? Oui, exactement. StarCraft. Et ça a toujours été le jeu par excellence de votre côté? En fait, StarCraft 2, c'est la continuité de StarCraft 1. Oui, c'est ça. Moi, avant, je jouais à StarCraft 1 beaucoup. Et là, quand StarCraft 2 est sorti, j'ai fait le changement. Mais c'est pas tous les joueurs de l'équipe qui sont que c'était des anciens joueurs de StarCraft 1 Pro, par exemple. Moi, j'ai commencé à jouer à StarCraft là, en 2003, mais j'ai arrêté en 2007. Puis depuis 2007 à 2010, j'ai joué seulement à Counter-Strike Source. J'ai joué compétitif, puis là, j'ai fait le switch quand que le jeu est sorti le 27 juillet. Donc, Cédric, tu as joué déjà compétitif avant de jouer à StarCraft, c'est ce que tu nous dis. Oui, exactement. Avec Counter-Strike. Mais là, on parle vraiment de jeu. Vous êtes, en fin de compte, des gamers d'ordinateur, d'abord et avant tout. Exactement. Ouais. En fait, c'est surtout la compétition à ordinateur. C'est préféré. Personnellement, j'aime beaucoup mieux la compétition par ordinateur. Tous les jeux que je joue, ce temps passant, c'est pas mal compétitif. Par ordinateur. Fait qu'avec des gars comme vous, on peut pas vraiment parler de jeux de console. Hein? C'est vraiment pas quelque chose dont on parle. Vous êtes vraiment plus concentrés. Les meilleurs jeux sont sur l'ordinateur, c'est bien ça? Effectivement, sauf bien sûr NHL là, qu'on peut pas manquer sur console. NHL, parfait. Dites-moi les gars, tu me parlais, Maxime, tu me parlais du mois d'août dernier, donc c'est tout récent, là, un mois et demi, ou tu parles de d'août de l'année passée? Non, d'août cette année, en fait, c'est parce que la StarCraft 2, le jeu est sorti au mois de juillet cette année. C'est ça? C'est tout récent. Donc, la team a été créée un peu après. À partir de là, vraiment, là, vous êtes devenu une équipe à partir de StarCraft 2. Avant ça, il n'y avait pas personne qui avait joué ensemble sur quoi que ce soit comme jeu, par exemple, en étant une équipe pour n'importe quel autre jeu, que ce soit stratégie, MMORPG ou quoi que ce soit. Exactement. Moi, quand j'ai créé la team, exactement en août, c'était vraiment pour rassembler les meilleurs joueurs au Québec parce que je voulais vraiment faire une team compétitive comme qu'il y a eu dans plusieurs autres jeux. Puis c'est pas mal ça, là. J'ai rassemblé des joueurs qui sont très hauts en compétition au Québec, puis j'ai fait ça pour avoir un bon calibre, pour être capable de rivaliser avec l'international. Les gars, pour les gens qui nous écoutent présentement puis qui ont une vague idée de ce que c'est StarCraft 2, pouvez-vous nous décrire en quelques minutes là, les grandes lignes de jeu là? C'est un jeu de stratégie. À la base, je te dirais que ça ressemble un petit peu aux échecs. Ça se compare aux échecs. Donc, c'est un jeu où tu essaies de jouer mieux que ton adversaire, de penser à ce qu'il pense, de t'adapter à ce qu'il fait, de répondre à ce qu'il fait pour justement jouer mieux que lui et le battre. Donc, donc, c'est un jeu de stratégie. On fait des unités. Et c'est ça. Le but, c'est donc de jouer mieux que l'adversaire, de battre l'adversaire. Pour les gens qui jouent à StarCraft à la maison, normalement, ils peuvent jouer seuls ou ils peuvent jouer en ligne avec des gens. Vous, votre équipe est basée à combien de joueurs? L'équipe est basée à 5 joueurs pour le moment. Je te dirais que n'importe qui peut jouer à StarCraft. Là, la campagne solo est vraiment écœurante. Ils ont mis beaucoup de temps dessus, puis il est vraiment bonne, l'histoire est très bonne. Graphiquement aussi, très bien fait. Graphiquement écœurant, il est vraiment beau. Le contenu est solide, épais. Je peux pas dire aucune lacune. C'est sûr qu'il y a beaucoup de patchs à faire sur le jeu parce qu'il y a beaucoup de bugs, parce que c'est un jeu nouveau. Ça a quand même pris 8 ans à StarCraft 1 à être au niveau où ce qu'il y a en ce moment. Il est 198, en 2006, il était fini. Mais ouais, c'est ça, vraiment un bon jeu, puis pas grand chose à dire contre. Si je me trompe pas, StarCraft 2 a pris 6 ans à faire. Oui, ça a été long. 100 millions environ. Oui, c'est ce qu'il disait là, quand on a fait les nouvelles à l'époque, au moment où c'est sorti cet été là, c'est ce qu'il parlait, une centaine de millions, mais quand même c'était 100 millions super bien investis, ouais, parce que c'est certain qu'avec juste la vente du jeu et sûrement ce qui sera téléchargeable ou en fin de compte les expansions vont rapporter beaucoup. Sûrement. Donc, c'est un jeu qui est quand même très populaire. StarCraft 1 a vendu, je me souviens plus combien, c'est beaucoup plus que 100 millions. Et donc, je suis certain que StarCraft 2, ça va être dans le même chemin. Les gars, pour l'équipe Dream Vision, là, présentement, c'est un mois et demi à peu près de travail ensemble, tout ça. Vous visez, est-ce que vous avez déjà fait des compétitions jusqu'à maintenant ou vous êtes en préparation de compétition? On a fait plusieurs compétitions. On a pas mal raflé tout ce qu'il y a au Québec, à part le ETS, que c'est Torrent, mon ami qui est avec moi en ce moment, qui a fini quatrième. Oui. Mais on a pas mal raflé tout ce qui se fait au Québec. Le 15 au 17 octobre, on est à Washington. On va avoir 2 joueurs à Washington. OK. Au MLG, c'est une grosse ligue. On va essayer de faire ce qu'on peut là, mais je pense qu'on est capable de compétitionner. Torrent joue contre les meilleurs en ce moment en Amérique, puis il se débrouille très bien. Je pense qu'il n'y a pas avoir de problème à compétitionner au niveau national. Là. Je pense qu'on est sur la bonne voie, puis on a les bons joueurs pour faire ça. C'est super intéressant. Au MLG, il y a environ 7 000 $ en prix. Donc, ça attire vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Et justement, c'est des tournois qui sont très intéressants. Donc, en Amérique du Nord, je crois que c'est le plus gros tournoi qu'il y a en ce moment. Donc, on parle d'un jeu là, qui est sorti il y a quelques mois seulement. Présentement, vous avez déjà gagné le tournoi, vous participez, vous êtes quand même très fort au Québec et même en Amérique. On peut parler d'une carrière, entre guillemets, de combien de temps? Je veux dire, StarCraft 1 a tellement été populaire pendant plusieurs années. StarCraft 2, j'imagine que vous en avez encore pour plusieurs années à jouer et à performer dans différents tournoi? C'est très dur. Ça dépend beaucoup d'investissements des commanditaires, donc du privé en général. Donc, si on regarde le WCG, c'est un peu comparable aux Jeux olympiques des jeux vidéo qui sont commandités par Sony et d'autres grands commanditaires. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de tournois. Ils faisaient des tournois de StarCraft 1 jusqu'à l'année passée, si je ne me trompe pas. Même cette année, pardon, ils en font encore un. Donc, on parle encore de gros prix avec 20 000 $. Et là, quand on a des prix comme ça, ben, ça attire les joueurs compétitifs. Si on regarde en Amérique du Nord, à part de ça, il n'y a pas beaucoup d'autres tournois pour StarCraft 1, mais là, pour StarCraft 2, il y en a énormément qui commencent, et donc je peux nommer l'ESL, le MLG, justement, qui font beaucoup de tournois, qui amènent beaucoup d'argent, et ça fait qu'il y a les joueurs compétitifs qui viennent en arrière. C'est sûr que là, on reste en Amérique du Nord. Si on s'en va en Corée, il y avait encore énormément de ligues avec des centaines de dollars américains, des centaines de milliers de dollars américains en prix jusqu'à l'année passée pour StarCraft 1, et ça s'en vient pour StarCraft 2, justement, aussi. Donc, je pense que ça peut être à assez long terme. Ça dépend si ça décolle en Amérique du Nord, mais en Corée du Sud, c'est encore populaire jusqu'à l'année passée. Excellent. Donc, pour la prochaine année, vous attendez à participer à combien de tournois? C'est quoi votre projection, à peu près? Comme ça, j'espère au moins participer au MLG en octobre, le Dallas, la finale, j'espère, le ETS en mars, Fait que je pourrais te dire un 6 à 8 événements d'ici fin 2011. Si on regarde, ouais, si on regarde live, donc pas sur Battle.net, il y aura au moins MLG. Au mois de décembre, il y a à Toronto qui en a un, donc il y en a à Montréal aussi régulièrement. À Québec, il y en a des plus petits aussi régulièrement. Sur Internet, il y en a à chaque semaine, donc plusieurs par semaine, qui ont déjà des prix de 100-200$ à chaque semaine. Donc, excellent. Et pour devenir un excellent compétiteur là, StarCraft 2, là, vous passez combien de temps par jour là-dessus? C'est un entraînement, là. C'est un entraînement autant qu'un entraînement physique ou sportif, j'imagine. Oui, absolument. Donc, moi, personnellement, j'essaie le plus possible, donc peut-être 4, ça dépend, ça varie beaucoup. Donc, ça varie entre 0 et 8 à 10 heures par jour. Ces temps-ci, c'est pas mal 0 parce que j'ai beaucoup de travail à l'université, mais avant le MLG, j'ai essayé de passer quelques jours à 10-12 heures par jour. Si on regarde en Corée, c'est 12 heures par jour, 7 jours semaine pendant plusieurs années pour être compétitionné. Moi, quand on regarde moi, quand je n'étais pas aux études, ça fait quoi, une semaine que je recommence aux études, puis j'étais à 16-17 heures par jour, puis là, en ce moment, j'étais à quoi, 10 heures environ. Là. Excellent. Les gars, Dream Vision est associé avec Dream City. Oui, donc, exactement. Vous organisez des journées de coaching pour faire des, en fait, des nouvelles recrues au niveau de StarCraft 2, c'est bien ça? Non, pas du tout. Nécessairement? Non, pas du tout. On coach des gens pour qu'ils deviennent meilleurs, mais pas dans le but de faire des nouvelles recrues. Pas des nouvelles recrues. Vraiment, exactement. Mais juste donner un peu vos cues, votre expérience en tant que joueur professionnel. Exactement. Puis être capable aussi de ramasser des fonds pour. Parce que tout ça, c'est payant. Ben oui. Puis ramasser des fonds pour l'équipe pour être capable d'aller à Washington, justement. Puis on recherche d'autres sponsors, encore des commanditaires pour être capable de payer ces déplacements-là. Puis 5 joueurs aller à Washington, c'est des sous. Ah, c'est certain que c'est de l'argent. C'est quoi l'accueil des jeunes à Dream City? Ou en fin de compte, des jeunes et des moins jeunes? Parce qu'il n'y a pas seulement des jeunes. Est-ce que les jeunes joueurs sont super intéressés, voient que vous donnez des bonnes... Les joueurs qui sont là avec nous pour être coachés sont vraiment intéressés, sont là pour ça. Le nombre n'est pas... maximiser encore, mais parce qu'on n'a pas assez de publicité. Non, mais c'est ça, mais ça fait du bien d'en parler ici sur les ondes. Exactement, mais on va sûrement... C'est excellent, là. On vise environ 7-8 joueurs par événement. D'accord. Puis ils sont très intéressés, puis c'est du bon coaching qu'on donne, puis c'est quand même des longues durées, puis on est... Ouais, souvent, vu qu'il n'y a pas tant de gens que ça, on peut rester longtemps avec la même personne, puis à la fin de la journée, ils sont vraiment contents, ils sont beaucoup améliorés la plupart du temps, puis ils sont vraiment reconnaissants. Et on parle de sessions qui durent une journée, c'est la fin de semaine, c'est en soirée? C'est le dimanche, donc il y en a un, c'est dimanche justement de 10h à 19h, et donc ça varie beaucoup, c'est environ 5h, mais donc on n'est pas nécessairement là avec la personne pendant 5h, on peut être là 2-3h, peut-être 5h s'il n'y a pas beaucoup de monde aussi, ça dépend de la personne en fait. Excellent. Et si on va avoir de l'information sur votre équipe, j'imagine que vous avez un site web sur lequel on peut aller? Oui, c'est le www.dreamvisiongaming.com. Dreamvisiongaming.com. Vous allez avoir de l'information sur Team Dream Vision, qui est en fin de compte géré par l'agence de cyberathlètes Top, que vous pouvez retrouver sur le www.toppro, donc toppro.ca. Alors, nous avions entrevue Cédric Pro Desgagnés et Maxime Torren-Bolduc. Les gars, merci beaucoup d'être passés à Puissance Maximale. Merci si beaucoup. Vous avez des nouvelles à nous donner, ne vous gênez pas. Et ça nous fait plaisir de vous avoir ici en studio. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Vous aussi. Alors, c'était deux coéquipiers d'une équipe de joueurs pour StarCraft 2. Nous allons aller tout de suite en musique avec une chanson de Blind Observer, encore une fois. Ce sera Fighting Shadows sur CKIA Puissance Maximale. it's clear, but those words alone won't be enough, I fear. We're fighting shadows, it's going on and on. We're fighting shadows, but we can shoot him. Could it be we were wrong again? Listening to Sans Maximal. De retour sur les ondes de CKIA Puissance Maximale, comme le disait Alexis Pajinov, le créateur de Tetris, et ce sera maintenant temps de parler de ce qui s'en vient en fin de semaine, en fin de compte, le festival Cap et Kimono, une grande première à Québec au niveau de tout ce qui est culture japonaise, et on a la chance d'avoir Michael avec nous de Cap et Kimono en studio. Salut Michael. Bonjour Vincent. Alors Michael, à quelques jours du grand événement, oui. Que peux-tu nous dire de plus? Ah, ça va très bien. J'imagine que vous êtes, c'est l'effervescence totale au niveau de l'équipe. Ouais, très fébrile en fait. On a beaucoup de choses qui sont encore en cours là. On est en train de finaler la programmation encore. Il y a des choses qui restent à rajouter encore, vraiment des choses de dernière minute. Ah oui, ça arrive toujours dans ce genre d'organisation là, surtout dans les activités qu'on appelle les panels. On a toujours des festivaliers qui se rajoutent à la dernière minute. Ah, j'aimerais ça faire un panel sur tel sujet. Avec nous, on essaie d'accommoder nos festivaliers même à la dernière minute comme ça. Tout à fait. Mais dans les grosses activités, là, on est content parce que on a beaucoup d'invités pour une première année. Il y a pas mal de monde. Là, tu nous parles d'invités là, de toutes oui. sortes, là, en fin de compte, là, que ce soit au niveau, tu parles de panélistes ou de présentateurs, au niveau que ce soit de l'animé, que ce soit du manga, que ce soit tout ce qui touche en fin de compte à la culture japonaise. Et le comic book, il faut pas oublier que Cap et Kimono, c'est aussi un festival sur le comic book. Le comic book est vrai, ouais. pas nécessairement tout simplement lié au Japon, mais on parle de comic book et également l'américaine, ouais. c'est vrai. Je l'oubliais, vous l'avez dit souvent. Mm-hmm. Mais on a beaucoup d'invités de dimensions, de sphères différentes. On a notre invité, notre grand invité d'honneur, M. Robert Axelrod, doubleur américain, qui est le rôle pour lequel on le connaît le plus. Il a joué Lord Zedd. Enfin, il a fait la voix de Lord Zedd à partir de la deuxième saison de Power Rangers. Il a fait Cowboy Bebop, Akira aussi dans ses doublages les plus connus. Qui est quand même intéressant comme invité d'honneur pour une première édition. Quand même, là, vous êtes allé chercher quelqu'un, un nom quand même qui est assez gros, parce que quand on parle justement de geek, ou en fin de compte de la culture reliée à tout ça, vraiment, c'est quelqu'un qui est connu de par son petit bonhomme. Oh oui, tout simplement. Ben oui, c'est ça, la voix, on n'aurait peut-être pas pu associer peut-être à ce nom-là, mais tout simplement le fait qu'il ait joué la voix, qu'il ait fait la post-synchronisation dans Power Ranger, ça peut être quand même intéressant de voir ce qu'il aura à dire sur cette expérience-là. Monsieur Axelrod va surtout faire des conférences en grande salle, il va avoir aussi des séances de signature, d'autographes pour les festivaliers. On est très très très contents, il vient directement de Los Angeles pour s'en venir à Québec ce vendredi pour se préparer, puis dès samedi. Il commence assez tôt, d'ailleurs. Il veut se tenir très occupé. C'est un monsieur qui aime beaucoup ce genre d'activité-là. C'est super de l'avoir eu. Oui. Dans les autres invités qu'on a, M. Hervé Saint-Louis du Comic Book Bin, qui est un gros site portant sur le comic book américain et tous ses pendants. C'est une référence en la matière. Lui, c'est un monsieur qui vient de Calgary, qui va aussi nous donner. Lui, il va être là surtout le samedi. Il va nous faire beaucoup de conférences, justement, sur le monde du comic book, l'industrie et sur son site Internet, entre autres choses. Club de Kenjutsu de Québec, qui va être là samedi matin pour nous faire une démonstration d'un style. Le deuxième, je suis pas sûr s'ils vont faire une démonstration, le style du Toyama Ryu, qui est un style qui était appris aux officiers de la Deuxième Guerre mondiale dans l'armée impériale. Un style, tu veux dire De sabre japonais. D'accord. Oui. C'est ce qui va être en démonstration le samedi matin. J'ai environ une quinzaine d'invités. On est très, très, très contents. Ben, j'espère que vous êtes contents. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui est arrivé ici autour de Québec. Il y a des gens qui se sont associés à vous. Il y a des gens qui ont ouvert la porte tout de suite à l'idée dès le départ, vraiment. Là, On a beaucoup de partenaires qui se sont joints à l'idée. Microplay, entre autres, qui est un partenaire très important avec AP Kimono, qui nous a fourni du matériel pendant des activités de jeux vidéo, qui va nous fournir aussi du matériel à notre salle de jeu directement au festival. On a qu'à penser au 4M Café aussi, qui nous a beaucoup aidé dans nos cafés cosplay, dans nos activités de financement. Il y a le Phenomanga, nouvellement ouvert aussi, qui nous a aidé à vendre des préinscriptions. Librairie Pantoute également. C'est des partenaires, d'ailleurs, s'il y en a à l'écoute, on les remercie beaucoup parce que sans eux, l'événement n'aurait pas été aussi gros pour une première année, ça c'est officiel. C'est certain que tout le monde avait les tentacules un peu partout pour pouvoir justement diffuser votre information. Mm-hmm. Et même nous ici, ça nous a fait plaisir de vous recevoir et on espère qu'on aura un partenariat quand même qui durera avec vous parce que c'est vraiment intéressant d'avoir des gens qui viennent parler justement de culture japonaise, de comics, de choses comme ça. Mm-hmm. C'est ce qui manquait un peu à l'équipe de Puissance Maximale. Est-ce qu'il y a encore de la place ou est-ce qu'on peut toujours acheter des cartes ou ça se fera sur place ou c'est complètement plein pour ce qui est des participants? À ce moment-ci, ça va être à la porte directement. On a déjà vendu beaucoup de préinscriptions. On est très contents pour une première année. Si on se fie à d'autres conventions, d'autres festivals du même genre, les premières années sont beaucoup plus petites. Nous, on a visé gros, disons, pour la première année, puis on est contents. Les fans ont suivi. Mais ça va être à la porte. Je peux vous donner même... Il faut que les gens arrivent à la porte avec pièce d'identité pour... c'est une question pour nos stats aussi, mais aussi pour vérifier, parce qu'on a des prix spéciaux pour les plus jeunes. C'est 35$ pour la fin de semaine. Pour les plus jeunes, c'est 20$. Vous pouvez acheter votre billet seulement pour le samedi ou le dimanche. 25$ pour... 25$ pour le samedi et 20$ pour le dimanche. Alors, on se présente à la porte... À de quel endroit? De l'Hôtel Pur. L'Hôtel Pur, à Québec, là, où on a différentes, justement, conférences ou colloques qui ont lieu, justement, que ce soit dans le domaine du jeu ou avec ce que vous faites à Cap et Kimono. On a l'Hôtel Pur, où le gros du festival va avoir lieu, mais aussi Gabriel Leroy, faut pas l'oublier, un autre partenaire important de notre festival, où il va avoir visionnement, conférences et deux expositions aussi qui vont être à Gabriel Leroy. Et je rappelle que Gabriel Leroy, c'est un aspect gratuit. Alors, n'importe qui peut aller voir ces activités-là qui vous ont offertes par Cap et Kimono. Puis ça peut vous donner le goût de traverser de l'autre côté pour voir un peu plus du festival. Mais vous passerez à l'entrée. Ça va nous faire plaisir de vous voir dans laisser passer pour la fin de semaine ou pour la journée puis vous faire découvrir le merveilleux univers de l'animé et du comic book. Excellent. Et là présentement, là, on est à quelques jours, on en parlait. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Qui n'est pas secret? Ah, qui n'est pas secret. Parce que quelqu'un qui est dans l'organisation, nous autres, on en parle, là, vraiment, on le voit. On en a parlé beaucoup. On voyait Andrew venir faire son tour. Bien sûr, Andrew, qui est chroniqueur ici à l'émission, mais également qui est en arrière de tout ça avec vous tous. Mais en tant que personne de l'extérieur qui n'a jamais organisé, que ce soit une convention, un colloque, vous en êtes à quoi présentement? C'est quoi qui touche? Qu'est-ce qui t'impressionne à une semaine de dire « Oh mon Dieu, c'est vrai, il faut qu'on pense à ça, il faut qu'on touche à ça » Parce que est-ce que vous aviez une expérience d'abord en... Non, pas du tout. Il n'y a personne de l'équipe qui avait jamais fait ça. On avait nos compétences. Moi, c'est surtout... Moi, je suis porte-parole officiel, mais Andrew, c'est notre trésorier, la gestion. Il est très bon là-dedans. On a des gens pour faire justement aller voir nos marchands. C'est quelqu'un d'autre qui les a approchés. Vous avez formé un petit conseil d'administration qui a commencé à gérer ça. Fait que là, présentement, on en est où, là, vraiment? Y a-t-il un stress? Parce que présentement, vous savez que les gens vont venir, vous savez que les gens ont répondu à l'appel. J'imagine qu'il y a peut-être le stress de performance qui est... C'est sûr que quand on sait qu'il y a des gens, on a déjà presque 200 personnes, assurément, qui vont être là, qui ont déjà acheté leur billet. C'est que ces 200 personnes qu'on est super content d'accueillir, mais il faut leur livrer la marchandise. Présentement, là, on est en train de faire nos copies numériques pour nos visionnements parce qu'on a un système de projection qui est bien spécial, mais qui nous permet, nous, de laisser ça aller. Puis on n'a pas besoin de le surveiller tant que ça, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail, ça. On est en train de finaliser justement l'installation de la scène, parce qu'on a une grande scène avec un gros système de son qu'il faut tout prévoir. Quand est-ce que ça va rentrer à l'hôtel? Quand est-ce qu'on va monter ça? On est vraiment dans la logistique. On n'est plus à chercher des moyens ou à chercher des projets. On est vraiment dans la réalisation, puis de faire que tout va rentrer, puis que 9h, samedi matin prochain, quand les festivaliers vont rentrer, tout va être opérationnel, puis tout le monde va pouvoir commencer à profiter de ce festival-là. C'est surtout des questions de logistique, mais C'est des trucs qui se règlent assez facilement, mais... Est-ce qu'on en est même rendu à mettre sa job de côté dans la dernière semaine ou à mettre même ses études de côté pour ceux qui sont peut-être qui sont encore aux études? Je pourrais te faire la confidence que ça fait 2 semaines et demie que je travaille temps plein sur le festival et que je remets, et je remercie mon employeur de comprendre la situation, que je remets un contrat professionnel par rapport à ça parce que je suis très, très, très, très, très débordé. C'est moi qui s'est occupé du guide, par exemple. Vous allez voir, on a un super beau guide souvenir à donner à nos festivaliers avec leur laissez-passer, toutes les cocardes d'identification de nos festivaliers, nos invités, notre personnel. C'est tout moi qui a géré ça dans la dernière semaine et demie. Puis là, avec les copies numériques, on est en train de... Je suis en communication cette semaine. Justement, je viens vous voir. Je vais aller voir d'autres médias aussi. Ben oui. Ça fait que je suis... moi, personnellement, ça fait 2 semaines et demie que je suis à temps plein. Et que tu ne dors pas, j'imagine. Non, je dors très bien. Ah oui? Mais je me couche tard, mais je dors très bien. T'étais-tu un gars de com' en partant? Un peu quand ouais. même, parce que moi mon domaine d'études, c'est les lettres, et j'ai une formation de comédien aussi, ça fait que d'accord, parler aux gens, c'est pas un problème. T'as un petit côté là-dessus, mais oui. Je veux dire, ça fait un autre corde à ton arc, tout simplement. Ben, surtout pour l'organisation, parce que moi, je suis pas de cette branche-là, je suis pas de la branche gestion, mais pas du tout, mais c'est une grosse machine, même pour une première année. Là, on a G-Animé, qui est la convention de Gatineau, qui est un peu notre convention sœur, qui nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'organisation de notre festival. Puis je pourrais dire que M. Luc Biron, qui est principal organisateur, un des principaux organisateurs du festival là-bas, il est impressionné, puis il est content de participer à cette aventure-là avec nous autres, parce qu'il voit que... C'est une belle carte de visite pour tout le monde aussi. Là. Oui, tous ceux qui se sont associés avec vous, là, il y a quand même une certaine visibilité là, à s'associer à Cap et Kimono également, j'imagine. Oui, mais c'est surtout que si ça devient un succès, c'est... Ça le sera. Nous, en fait, on n'a pas peur de pas avoir de personnes à la porte. On a peur d'en avoir trop. Ah, je comprends. Mais, ben, peur. On va être très content d'accueillir tout le monde, mais c'est sûr que s'il y a 2000 personnes qui se présentent à la porte, on va peut-être avoir un problème. Ça m'étonnerait, mais on peut souhaiter quand même ce genre de succès-là. Quand on parlait de où est-ce qu'on en est rendu, on en est rendu là. On sait qu'il y a des gens qui ont répondu à l'appel, qui vont être là. Moi, je me promène souvent avec mon travail de porte-parole sur Internet pour vérifier si ça parle sur Internet, puis ça en parle, puis on sait qu'il y a du monde qui vont venir. On a beaucoup de pré-enregistrements qui viennent de Montréal, Gatineau, tout autour de Québec, puis du monde de Québec aussi. Ça fait qu'on sait que les gens vont aussi venir de l'extérieur. Ça fait qu'on est comblés. Excellent. Il nous reste 1 minute. Quelques mots, là, vraiment, pour inviter les gens à venir. Cap et Kimono, qu'est-ce que c'est? Comment qu'on peut vous rejoindre? Cap et Kimono, festival animé, manga, comic book américain, à l'Hôtel Pur, dans le Nouveau Saint-Roch, à la bibliothèque Gabriel Leroy. Plus d'informations, le www.capkimono.com, et on va être heureux d'accueillir les auditeurs de Puissance Maximale, et d'ailleurs Puissance Maximale qui devrait être nous présent. Allons aller faire un tour certainement à Cap et Kimono pour voir ça et pour vous encourager. Merci beaucoup Michael d'être passé à l'émission. Merci à toi Vincent. Excellent. Et bien c'est la fin de Puissance Maximale aujourd'hui en cette édition de la semaine du 4 octobre. Nous remercions Dr Raymond Poirier qui nous fait un tour, également les membres de l'équipe Dream Vision qui sont Cédric Pro Dégagné et Maxime Torrent Bolduc, qui sont gérés par Mathieu Morin de Top, l'agence de cyberathlètes. Et merci à Michael d'être passé à l'émission. C'est la fin de Puissance Maximale. Et voilà, c'est le thème. Alors, on vous remercie à tous et à toutes, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. On vous remercie beaucoup. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, 17h, pour une autre édition de Puissance Maximale. D'ici là, on vous souhaite une bonne semaine de jeu. I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin, it's D&D! Fighting with the legends of yore, it's D&D! Never kissed a lady before. Nope. Mm-mm. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool.